Stephen King aime Janis Joplin, Stephen King aime Elvis Presley, Stephen King aime Otis Redding, j'aurais pu vous faire toute la liste. Stephen King a écrit Un groupe d'enfer et Mike Robb l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis comme toujours avec Chris. Salut. Salut. Comment vas-tu? Bon, écoute, bien. C'est bon, voilà, ça t'a l'air dubitatif. C'est à cause de ce qu'on a regardé ou... Non, je cherchais une vanne à faire via des titres de chansons de Presley ou de Janis Joplin, mais je ne m'y connais pas assez. Ouais, non, je pense qu'il va falloir taper plus large. I Feel Good, par exemple. Voilà, ce genre de truc. Ouais, voilà, c'est ça. La chanson, la musique, tout ça. Nous allons donc aujourd'hui parler d'une nouvelle du recueil Rêves et cauchemars et de son adaptation dans la série éponyme. Nous allons... On va spoiler les deux, mais il n'y a pas grand-chose à spoiler quand même dans celle-là, pour le coup. Mais si vous voulez la lire et la voir avant, ça prendra pas bien longtemps. Donc n'hésitez pas à le faire. On se lance tout de suite ? Eh bien, allons-y. Sur la route du rock'n'roll. Ouais. Le titre original de la nouvelle, c'est You Know They Got a Hell of a Band, et le nom de la ville, Rock'n'Roll Heaven, sont tous les deux empruntés à une chanson qui s'appelle Rock'n'Roll Heaven, une chanson enregistrée en 1973 par un groupe appelé Climax, mais qui a été popularisée l'année suivante par les Righteous Brothers, et c'est une chanson qui justement déjà mentionne pas mal d'artistes rock décédés, en faisant des références à leurs chansons. Et justement, entre la première version de 73 et celle réenregistrée par les Righteous Brothers, il y a eu des paroles modifiées pour enlever de l'original Buddy Holly et Richie Valens, et pour les remplacer par deux autres artistes morts depuis la première version, Jim Cross et Bobby Darin, parce qu'effectivement, le milieu du rock a quand même un taux de mortalité assez élevé à cette époque. Oui, effectivement. Donc King reprend cette thématique, puisque l'histoire nous raconte nous parle d'un couple qui est sur la route des vacances et le mari tient absolument à prendre un petit détour et, comme de bien entendu, ils vont se perdre complètement malgré la femme qui disait que ça allait arriver. Et ils vont finir par arriver dans une ville appelée Rock'n'Roll Heaven, dans laquelle ils vont finir par reconnaître plein de stars mortes du rock et ils se rendent compte qu'ils sont bloqués dans cette ville de rock à tout jamais. En fait, King voulait justement, dans cette histoire, jouer sur le taux de mortalité très élevé chez les stars du rock encore jeunes et, comme il l'indique dans la postface, c'est considéré comme romantique par pas mal de fans. Et il peut comprendre l'idée, mais lui, dès qu'il commence à faire la liste complète de toutes les personnes qui sont mortes, il trouve que ça devient vraiment très macabre. Et ça semble faire peser comme une sorte de malédiction sur le milieu du rock. Déjà, de base, trouver la mort romantique, bon, c'est quand même red flag. Ouais, ça, il y a beaucoup de monde, hein. C'est un truc très répandu de trouver la mort des artistes encore jeunes, avec le côté artiste maudit qui n'a pas eu le temps d'exprimer tout son talent. C'est quelque chose de très souvent souligné quand on parle d'artistes, et pas que d'artistes rock, pour le coup. On retrouve ça en littérature, au cinéma. Et c'est très très glauque, ouais, moi je trouve. D'accord. Hein, mais bon. Il n'y a qu'à voir tout ce qui a entouré la mort d'Heath Ledger, hein, par exemple, pour prendre un exemple dans le cinéma. Oui, clairement. Mais effectivement, je trouve ça glauque aussi. La nouvelle est publiée dans une anthologie appelée Shock Rock en 1992, qui regroupe donc des histoires inédites autour de la musique, et plutôt avec un côté horrifique, enfin des histoires de genre en tout cas, Et elle est incluse très peu de temps après, en 93, dans le recueil Rêves et cauchemars, donc avec que des histoires de King. A noter que dans sa version audiobook, la nouvelle est lue par Grace Slick, qui fait partie à la base du groupe Jefferson Airplane, mais le groupe Jefferson Airplane, c'est un peu n'importe quoi, il s'est surdivisé à plein de moments, donc elle est aussi dans les groupes Jefferson Starship et Starship tout court, voilà. Mais donc ils ont appelé une star du rock, alors ils en ont appelé une vivante, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué, mais ils ont appelé une star du rock pour lire la nouvelle. Et je propose qu'on donne tout de suite nos avis. Je t'écoute. Ah oui, c'est de plus en plus rapide quand on parle de nouvelles. C'était moins rapide que l'autre fois, j'avais un peu plus d'éléments. Non, il y a une amélioration. Écoute, moi j'aime bien cette nouvelle sur toute la partie où ils sont sur la route, entre le mari et sa femme. Donc mari et... comment il s'appelle déjà lui ? Donc quand ils sont sur la route, mari et Clark. Il y a un message, je trouve, alors je ne sais pas si c'est voulu, mais il y a un message vraiment à charge, et c'est normal, contre la masculinité toxique, qui est très appréciable, je trouve, qui est plutôt bien amené, en plus. Je ne m'y attendais pas, en fait, à un message à ce point, comme ça. Alors, c'est du coup un peu dommage, parce que sur la fin de la nouvelle et de l'adaptation, on verra, bah, le personnage féminin ne prend pas plus les rênes que ça. Au final, elle a plutôt tendance même à laisser Clark essayer d'aller sortir de là, ce qui, du coup, bon... est un peu contradictoire avec cette première partie qui vraiment te laisse supposer que le thème principal c'est la masculinité toxique. Et je suis moins fan de toute la partie où en fait ils arrivent à Rock'n'Roll Heaven, quoi. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est que ce délire? Je peux comprendre le délire, mais je suis pas rentré dedans. Le fait d'arriver dans cet endroit qui est dominé par des espèces d'esprits fantômes zombies. D'anciennes rockstars décédées, oui, d'accord, oui, je comprends pas trop. Je suis resté incompréhensif face à ce que je lisais, tout simplement. Je sais pas comment le décrire autrement. De mon côté, la première partie, j'aime un peu, mais pas non plus à fond. C'est-à-dire que, effectivement, le message sur la masculinité toxique est appréciable. Alors, je ne sais pas si King aurait mis les termes exacts sur ça, mais par contre, je pense que c'est clairement volontaire, parce qu'il y a quand même pas mal de remarques de Marie. Qui souligne que c'est un homme qui veut prouver sa valeur, qui veut prouver qu'il en a des grosses et tout et tout. Donc c'est en partie conscient, au moins, même s'il n'aurait pas forcément mis les termes exacts dessus. Mm. Le souci, c'est que je trouve que ça fait un peu redite, notamment avec les démons du maïs, qui a cette même idée d'un couple qui se perd et qui se dispute dans la voiture. Oui. Et c'était plus court dans les démons du maïs, donc je trouvais ça... un peu mieux, tandis que là, ils mettent longtemps quand même à s'égarer. Alors, je comprends l'idée, c'est pour montrer qu'il aurait eu 50 occasions de faire demi-tour, qu'il s'entête, etc. Oui, il en fait qu'à sa tête. Mais je trouve ça un peu longué, pour le coup. La deuxième partie, j'entre peut-être un peu plus dedans que toi, même si, pareil, je suis pas totalement fan. Ce qui n'aide pas dans mon cas, c'est que il s'agit de vieilles star du rock, c'en est des années 50-60. Ouais. Qu'en vrai, j'ai très peu écouté. Celle que j'ai dû le plus écouter dans le tas, c'est Janis Joplin, et j'ai pas écouté des masses de Janis Joplin. J'ai rien contre aucune de ces stars du rock, seulement elles font pas partie vraiment de mon paysage musical. Alors, oui, après, voilà. La nouvelle date de 92, donc déjà, ça aide pas, parce qu'il y en a qui sont mortes depuis beaucoup, ça fait 30 ans. Mais même en 92, j'ai l'impression qu'il tape que celle qu'il célèbre le plus s'en est... célèbre le plus. Que celle qu'il met le plus en avant, s'en sont des vraiment vieilles. Oui. Il y a vite fait Freddie Mercury qui est mentionné. Et Brian Jones des Stones. Hendrix. Brian Jones, ça faisait un bon moment. Hendrix, il est mort en quelle année? Très bonne question, mais il est mentionné à un moment. Oui, il est mentionné. Il est mort en 70. Ouais, et ça a commencé à faire vieux. Brian Jones, c'était quand? Brian Jones, 69. C'est 69, ouais. C'est celle qui m'aurait le plus parlé au final, mais qui sont moins mise en avant, et il y en avait probablement eu d'autres qui étaient décédés à l'époque. Il évoque aussi Freddie Mercury qui venait de mourir. Ouais. Enfin, il y aurait eu de quoi faire avec des plus récentes, mais qui ne font pas partie, je pense, de la culture musicale majoritaire de King. Donc ça doit être lié à ça, le fait qu'il ait mis en avant les stars un peu de sa jeunesse. J'imagine que c'est ça qu'il a voulu faire. Oui, je pense aussi, clairement. Mais donc oui, ça m'a rendu un peu plus distant de la nouvelle que ça n'aurait pu l'être. C'est presque le genre de truc où on se dit que ça mérite une actualisation pour en inclure des beaucoup plus récentes. C'est ça. En fait, l'un des trucs qui me dérange, je pense, hein, c'est que ce sont elles. Ce sont les vraies en fait, personnalités musicales. Ce sont vraiment elles. Ils sont en mode esprit démoniaque. Et j'aurais peut-être rentré un peu plus dedans si c'était des sosies, tu vois, qui auraient complètement pété un câble et qui auraient construit une ville comme ça en prenant des gens en otage. Là, je serais peut-être rentré un peu plus dedans. Mais le fait que vraiment ça soit elle, ça soit vraiment ces gens qui aient existé et qui du coup ont totalement vrillé après leur mort, je sais pas, ça me dérange un peu. Ouais, je peux comprendre un peu l'idée quand même de montrer que c'était un milieu très particulier où il y avait une sorte d'obsession qui pouvait devenir mortelle et qui se continue après la mort. Je comprends le message qu'il veut faire passer, pour le coup. Mmh. Mais oui, je vois où tu veux en venir. Je vois que ça puisse être jugé d'un peu mauvais goût, limite. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Qui, moi, me perturbe un peu. Du coup, j'étais en train de revérifier la mort de quelques personnalités de la musique dont Shakes était dans ces années-là, mais qui effectivement n'étaient pas mortes au moment de l'écriture de la nouvelle. Kurt Cobain, c'est 94. Ouais, 94, Cobain. Et j'ai vérifié Euronymous aussi, même si c'est plus du métal, et c'est 93, mais après la sortie du recueil. Oui. Ça aurait été chouette pourtant, Euronymous au milieu de la ville. J'ai l'impression que c'est une sorte de version cauchemardesque de cet esprit qui a quand même pas mal animé le milieu du rock dans les années 60-70, où il y avait cette idée que le rock'n'roll ne mourrait jamais, des concerts qui duraient une éternité. Je comprends qu'il veuille montrer une vision cauchemardesque et mortelle de ça. Après, oui, c'est pas totalement réussi. Bah, encore une fois, je pense que la vision cauchemardesque, justement, aurait été renforcée si c'était des sosies slash des fans, en fait, qui, du coup, eux, ne transmettent que le pire. Oui. De ce qu'ils idolent, tout simplement. Oui, t'as pas tort. T'as pas tort, ça aurait peut-être pu mieux marcher comme ça. Vu que très souvent, c'est par eux que vraiment le plus gros mal, enfin, en général. Très souvent, on connaît des histoires de fans qui tournent mal, dont des fois certains qui vont tuer eux-mêmes les artistes qui pourtant ils ont comme idole. Lennon, il est mentionné à un moment, je crois, quand même. D'ailleurs. Je crois qu'il est mentionné, oui. Dans l'adaptation, pas, c'est sûr. Mentionné. Dans l'adaptation, c'est sûr. Oui, non, mais si, il a dû y être. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça aurait peut-être été plus intéressant de traiter ça via des fans toxiques. Après. Après, je comprends aussi quand même ce que King a voulu faire. Hein. C'est juste que du coup, bah ouais, j'y adhère pas tellement. Ouais. À cette manière de faire, tout simplement. Non, mais je peux comprendre, j'y avais pas réfléchi, mais je peux comprendre. Après, du coup, pour en revenir sur le déroulé de la nouvelle en elle-même, effectivement, comme tu l'as dit au début, il n'y a pas grand-chose à spoiler, parce que bah, fondamentalement, en fait, il se passe pas grand-chose tout le long. Et pourtant, c'est une nouvelle qui dure... Qui dure quoi Un peu 60, plus de 50 pages. Ah ouais, hein. Ouais. Qui fait un peu, alors que il se passe pas grand chose quand même. Hein. T'as toute une partie, ils sont sur la route, ils s'engueulent. Et donc c'est très masculinité toxique. Ça dure un peu trop longtemps finalement. Et puis après, bah, ils arrivent en ville et c'est pareil, ça dure beaucoup trop longtemps aussi. Oui, parce qu'il y a tout le passage dans le diner où ils mettent longtemps à reconnaître, où ça essaie de poser une ambiance. Donc oui, c'est assez longué hein, tout ce passage-là. Et même la toute fin, j'aurais préféré peut-être une fin un peu plus marquante qui coupe un peu plus brutalement. Oui. Parce qu'à la fin, on voit qu'en fait, ils sont condamnés finalement à rester à vie dans cette ville. Et donc à assister à des concerts qui durent des années et des années. Ouais. Parce que le rock'n'roll ne mourra jamais. Voilà. Donc oui, il se passe assez peu de choses et donc ça traîne un peu en longueur à pas mal de moments parce que je pense que vraiment il y avait une volonté déjà d'installer l'ambiance sur toute la première moitié et ensuite King, je pense, comptait sur le fait que ça parle un peu à ses lecteurs, les références qu'il évoquerait et que ça aiderait à poser l'ambiance. Je pense que Ah oui, bah peut-être on n'est clairement. pas le bon public pour ça. Il y a de fortes chances, oui. Mais après, même du coup, poser une ambiance, bah, déjà difficile de s'attacher à Clark, parce qu'il est con comme la lune, et voilà. Donc déjà, lui, Oui. impossible d'avoir le moindre attachement pour ce personnage. Elle, un peu plus, même si, bah, du coup, au bout d'un moment, sa passivité est reprochable. D'autant plus sur ça va à l'encontre de tout ce qu'elle critique et tout ce qu'elle revendique sur l'émancipation qu'elle pourrait Oui. avoir. Même si ça, c'est un truc bah, qui peut se retrouver dans pas mal de cas de femmes avec un mari trop dominateur. Voire agressif, c'est compliqué aussi justement de ne d'être de d'oser dire non quoi. Oui, clairement, mais là, c'est pas montré sous ce spectre-là. Ouais, on Ça sait pas l'est. trop pourquoi elle cède. C'est peut-être que c'est un peu maladroit dans l'écriture, mais je pense que ça veut mettre en avant ça qu'elle a été habituée à toujours céder, Oui, peut-être par possiblement. culture. Là, c'est peut-être Possiblement, oui. pas assez détaillé pour l'expliquer, mais je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut l'interpréter. Hein. King essaye de nous faire des scènes un peu dégueu. Hein. Sur cette nouvelle-là, on revient un peu à de l'horreur. À de l'horreur Oui, pure, même si j'entends. c'est assez soft encore. Parce que on se rend compte en fait de l'état un peu cadavérique des rockstars. Avec des yeux qui saignent, Johnny Joplin qui crache des verres, ce genre de choses. Ouais. Un qui se fait écraser et qui se relève derrière. Ouais, qui se relève aussitôt. En fait, la nouvelle n'appuie pas assez sur tous ces trucs un peu étranges et qui amènent le fantastique au fur et à mesure. L'adaptation essaye de le faire un peu plus, genre voir les habitants de la ville qui eux sont humains et qui vraiment. Les voit arriver en mode, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont complètement fous. Ouais. Ils sont inquiets. C'est beaucoup plus appuyé en fait dans l'adaptation que dans la nouvelle. Et pourtant, l'adaptation, ça n'en fait pas un chef-d'œuvre de la série non plus, hein, attention, on y reviendra après. Mais je sais pas, ça me convainc pas. Non, moi non plus. Et je pense qu'on va pouvoir rapidement passer justement à l'adaptation. Ouais, on peut y Parce aller. que voilà. Très bien, l'adaptation, bah, ça va être très rapide aussi de la présenter, puisque nous Décidément. retrouvons Rêve et Cauchemar comme dans le précédent épisode, et en fait, pas mal de gens impliqués sont des gens qu'on a déjà vus, ou alors des gens qui n'ont pas eu une énorme carrière. Donc le scénariste et réalisateur de cet épisode, c'est Mike Robb, et c'est sa seule participation à la série. C'est le dernier épisode diffusé d'ailleurs, le 2 août 2006. Mike Robb, c'est un réalisateur de téléfilms qui en a fait pas mal, mais du coup, bah, on les connaît pas trop. On peut citer, pour l'amusement, qu'il a été réalisé un téléfilm appelé Amour et Rock'n'Roll. Ah Voilà. d'accord. Il était Le prédestiné. casting, ouais, c'est ça. Le casting, bah, c'est principalement deux personnages, le couple principal, et Clark, il est joué par Steven Weber, qu'on avait déjà vu dans le téléfilm Shining, où il jouait Jack, et où il s'en sortait vraiment pas mal, Oui, c'est et vrai. dans Désolation, où il jouait le camionneur, et où pareil, il faisait du plutôt bon boulot. Ouais. Bah, et puis après, mis à part ça, il a quand même une carrière longue comme le bras, hein, dans des petites apparitions par-ci Oui. par-là, des petits rôles. Oui, voilà, mais comme on en a déjà parlé, comme on avait déjà insisté justement sur le reste de sa carrière à l'occasion de Désolation, parce que c'était le premier qu'on avait fait, je vais pas revenir dessus. Ben j'ai découvert dernièrement qu'il fait des voix dans l'animation et qu'en fait c'est notamment l'un des derniers acteurs en date qui fait la voix d'Alfred dans les animés Batman. D'accord. Voilà. C'est lui qui l'a fait dans Joyeux Noël, Petit Batman, par exemple, ou pas? Non, c'est pas lui par contre. Après, Joyeux Noël, Petit Batman, déjà en plus d'être un excellent film d'animation Batman, regardez-le, mangez-en, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment cool. Quasiment tout le casting est différent, parce que vu qu'il a un design très particulier, le Alfred est très vieux dans celui-là. Oui, effectivement, c'est. Alors, c'était. Je revérifie du coup qui était le Alfred. C'était James Cromwell, effectivement. Ah bah, un autre acteur dont on a régulièrement parlé. Oui, c'est vrai. Vidéo Club. Donc, Clark Steven Weber et Marie est jouée par Kim Delaney, qui est surtout active à la télévision, alors dans des procédures rôles comme Philly, Les Experts Miami, New York Police Blues, pour le coup elle est beaucoup dans New York Police Blues, ou une série appelée American Wives sur des conjoints et conjointes de militaires, et dans Hôpital Central aussi. Mais ouais. Voilà, pareil, c'est beaucoup de la télévision. Toi, je sais pas si tu avais vu dans des trucs. Si, si, mais moi, je l'ai surtout vu dans Chicago Fire, mais qui est aussi un procédural, mais on suit une équipe de pompiers dans la ville de Chicago. La photographie est de Ben Nutt, donc comme dans le précédent épisode. C'est le dernier épisode qu'on doit traiter, où c'est lui le directeur de la photographie. Donc au revoir, Ben Nutt, on ne te reverra pas. Et la musique, par contre, est toujours de Jeff Beal, comme l'intégralité de la série. Et ben voilà, du coup, ça a été vite, parce que c'est que des gens familiers qu'on retrouve. Voilà. Oh. Allez, ça suffit. Je vais demander de l'aide à un opérateur. 15 ans qu'on est mariés et t'as jamais voulu demander ton chemin. Pas une fois. Ton père, c'était pareil. Vu ce qu'affichait le compteur quand il nous a donné cette voiture, tu peux être sûr qu'il avait dû parcourir 80 000 bornes à tourner en rond. Ouais, ce que certains appellent tourner en rond, chez d'autres, c'est partir à l'assaut du monde. Ouais, bah le monde, il aura qu'à m'attendre. On avance à l'aveuglette depuis trop longtemps. Clark ! Clark, t'as gagné. C'est bon. T'es un homme et un vrai. Chapeau bas. Je suis sincère et je le dis avec infiniment de respect. Reviens t'asseoir et fais demi-tour maintenant. Chérie, je peux plus faire demi-tour à l'heure qu'il est. La route est trop étroite. Et oublie les bas-côtés, on risquerait de s'embourber. D'accord ? Je nous ai mis dans ce pétrin, je nous en sortirai. Et on va pouvoir tout de suite passer à nos avis sur cet épisode qui n'est globalement pas très apprécié par la critique. Voilà. Ah bon ? Voilà, il est jugé trop long et pas très efficace. Ah, oui, on va voir si on est d'accord. Je te laisse commencer. Spoiler, on est d'accord. Est-ce qu'on peut rentrer dans le lard directement ? Voilà. Spoiler, on est d'accord, c'est long, c'est pas très efficace. Il y a quelques bonnes idées, attention. Il y a quelques bonnes idées, et globalement, je trouve le décor principal de la ville de Rock'n'Roll Heaven pas si dégueulasse que ça. Je pense que l'argent a été plutôt bien employé sur cet épisode-là. Mais que sur le décor de la ville. Parce que pour le reste, oh mon dieu, quoi. Non, mais c'est pareil, en fait, ça a les mêmes micro-qualités et les mêmes gros défauts que la nouvelle, quoi. Déjà, vu que c'est très fidèle, bah, le sujet, forcément, j'accroche d'autant moins. Surtout que n'étant pas physionomiste des rockstars de l'époque, bah, quand ils arrivent en ville, moi, personnellement, je n'ai reconnu aucune. Alors que je pense que quand tu t'y connais et que t'as un minimum physionomiste, là, tu peux jouer au jeu des 7 erreurs, à la limite. Mais dans mon cas, ils sont arrivés en ville, je dis ouais, je connais pas ces gens. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai un peu le même problème que toi. Bah, alors, comme toi, déjà, on en revient, c'est les mêmes stars du rock que dans la nouvelle. Donc, j'y suis toujours pas très familier. Et en plus, je suis pas physionomiste. Alors, il y a Kurt Cobain en plus. Ah ouais ? Ouais. On le voit à quel moment ? On le voit dans le fond, je crois, de loin. Il me semble l'avoir reconnu, et puis vu qu'à la fin, il est mentionné en plus. Ouais, non, mais peut-être. Après, c'est le souci, c'est que même si... Je suis tellement pas physionomiste que même si on avait mis des stars du rock avec lesquelles je suis familier, du genre s'il y avait eu à l'écran Mercury... Alors Mercury, si sa période moustache, je l'aurais reconnu, mais ses autres périodes, même des avec qui je suis très familier, je suis pas certain que j'aurais fait le lien, à moins qu'il y ait des maquillages très marqués pour aller après. Les seuls que j'ai vraiment reconnus, c'est à la toute fin, c'est Hendrix, parce que le style d'Hendrix, en fait, te saute à la gueule, tu ne peux que le reconnaître. Ah, moi, même Hendrix, je l'ai pas reconnu, tu vois. Ah ouais, ouais. Hendrix et Presley, quoi, voilà, c'est les seuls que j'ai reconnus direct. Ça m'a pas parlé, mais ça, du coup, c'est pas vraiment de la faute de l'adaptation, c'est juste que moi, tu me mets des trucs où faut reconnaître des gens. De base, ça va mal se passer, en fait. Oui, voilà, moi, c'est pareil, du coup. Donc là, oui, l'adaptation n'y est pour rien. Ouais. Plus critique, et je trouve que là, pour le coup, vraiment, toute la première partie est très très longue. Ah oui. toute la partie dispute, égarement et compagnie, dans l'adaptation, ça passe vraiment pas très bien. Malgré le fait que le duo d'interprètes s'en sort pas trop mal, hein, oui, les deux sont plutôt, plutôt bien, mais ça prend pas, quoi. C'est beaucoup trop long. Il y, y a une idée qui est pas trop mal, qui introduit le fantastique, c'est quand à un moment ils font un arrêt, parce qu'il y a un arbre qui s'est écroulé, et t'as une branche en fait qui bloque la route, et donc Clark descend pour bouger la branche. Ouais. Et Marie a une vision de Clark mais vieillissant, et après elle, elle regarde dans le rétro, elle se voit elle-même vieille, et ça va, c'est pas trop mal, ça rend pas trop dégueu. Oui, admettons. C'est une bonne introduction du fantastique. Le problème, c'est que juste avant, il y a eu une scène totalement ridicule avec le CD de musique qui est éjecté de l'autoradio et qui se met à fondre sur la jambe de Marie. Bah, et puis il y a eu le rêve aussi avec le jukebox qui marche pas, je trouve. Oui, bah oui, parce que l'image est dégueulasse à ce moment-là et que la lumière est horrible. Donc ça aide pas. Bah, et puis ça fait vraiment kitsch, quoi. Ah oui, clairement. C'est dommage parce que justement, je trouve la lumière bien employée quand ils arrivent à Rock'n'Roll Heaven. En fait, il y a un moment, je sais pas si tu t'en souviens, t'as le panneau qui annonce la ville et en fait, au milieu du panneau, tu sais, t'as un vinyle qui tourne sur lui-même. Et t'as un plan de caméra où on voit la voiture qui vient d'arriver qui est dans l'ombre, qui est vraiment dans l'obscurité totale. Le vinyle tourne, donc du coup, il nous cache la voiture. Il termine son tour et là, du coup, la voiture nous réapparaît en pleine lumière avec le vert de la nature un peu saturé, oui. Vraiment qui apparaît vraiment de manière idyllique. Je trouve que ça, c'est une bonne idée de mise en scène. Malheureusement, oui, ça comme s'il changeait tout à coup d'univers, qu'il passait tout à coup dans le monde fantastique. En effet, ça marche à peu près. C'est ça, et même le plan où on voit le goudron qui arrive, c'est le bitume qui apparaît soudainement et la. Avec la petite vallée bien éclairée, avec du soleil partout. Voilà. Ça fait partie des rares plans et des rares bonnes idées de l'épisode, je trouve. Qui n'est pas une très bonne idée. Alors, tu dis qu'il y a peut-être Kurt Cobain, moi je ne l'ai pas reconnu, mais dans tous les cas, les principaux mis en avant, ce sont les mêmes que dans la nouvelle. Or, il y a, depuis l'écriture de la nouvelle, il y a 14 ans, qui sont passés. Des morts, il y en a eu quelques-uns, il aurait peut-être été de meilleur ton d'adapter ça pour plus coller à un public contemporain, de mettre en avant vraiment des figures très marquantes. Parce que je suis désolé, mais Janis Joplin, elle est connue pour sa voix et compagnie, mais je suis pas sûr qu'il y ait tant de monde que ça capable de reconnaître Janis Joplin en 2006. Je ne sais pas. On en revient à ce, oui, à ce on en problème. Mais dans tous les cas, ça aurait quand même été plus grand public de partir sur des stars du rock plus populaires, surtout que là, il y en avait qui étaient mortes dans les années 90 ou au début des années 2000, donc il y aurait eu de quoi faire. Il date de quand l'épisode, tu m'as dit ? 2006. D'accord. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Sur une histoire comme ça, je trouve que ça fonctionne que si tu l'actualises. Tu vois, si tu la faisais aujourd'hui, il faudrait forcément mettre des personnes mortes dans les 10 dernières années et encore une fois, on en trouverait sans trop de peine. Ah bah oui, bah il faudrait mettre Amy Winehouse. Oui, voilà. Et voilà, ce genre de personnalité. Il était plus vieux, mais Bowie en soi serait oui, cohérent, aussi. Même si lui, il est pas mort dans sa prime jeunesse non plus. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage de pas avoir actualisé. Je trouve que ça dessert quelque chose qui déjà n'était pas évident à faire. Oui, parce que ça reste un récit ancré dans une époque, quand même. Ouais. Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue dans notre petite ville. J'espère que vous aurez le temps de rester un peu parmi nous. On entretient de bons rapports entre voisins et on a le sens de l'entraide. Je me présente, je suis le maire de Rock'n'Roll Heaven. Je m'appelle Elvis Presley. Et si on restait pour le concert ? Comment ça, si ? Je veux qu'il faut rester pour le concert. Le rock, on l'a dans le sang. Satisfait ou remboursé ? On vous mentirait si on disait le contraire. Si on assiste au concert, est-ce qu'après vous nous laisserez aller où on veut ? Vous savez, madame, on est en pleine cambrousse par ici. Attirer le public et le fidéliser, c'est un travail de longue haleine. Nous, c'est drôle, il suffit d'un seul concert pour que les gens restent et en redemandent. Tout ça pour dire qu'on aimerait bien vous garder un peu plus longtemps. Accepter d'assister à plusieurs concerts et de vous laisser séduire par notre sens de l'hospitalité. Après, la musique n'est pas trop mal, je trouve, sur cet épisode-là. Oui, ça sans va. Être glorieuse, je trouve que ça fait partie des plutôt sympathiques de Jeff Beal pour la série, donc ça marche plutôt pas mal. Mm-hmm. Après, toute la partie diner est beaucoup trop longue et les effets chocs sont trop sursoulignés, je trouve que ça rend un peu ridicule. Ouais, notamment avec quand Janis Joplin vomit des verres. Oui, ou même le noir et blanc quand il tilte que c'est elle. Oui, effectivement. Quand ils font les réglages du concert à l'extérieur. Et oui, effectivement, tout le passage des verres est ridicule. Je l'ai écrit en majuscule et surligné. Sinon, la progression va être à peu près la même que dans la nouvelle, à savoir qu'ils vont essayer de s'échapper et qu'ils vont être stoppés par un bus. Oui. Attends, il y a tout le passage où déjà ils essayent de fuir dans la ville avec je sais plus quel connard est sur le capot. Je crois que c'est Otis Redding, mais je suis pas sûr. Mais la scène dure 3 minutes, tu dis, mais en fait ils font le tour de la place, qu'est-ce qu'ils font? Barrez-vous, qu'est-ce que vous faites? Bah attends, des fois qu'il y a quelqu'un à qui demander un autographe quand même. Mais donc ils sont stoppés par un bus qui bloque la sortie de la ville et ils vont se retrouver obligés d'assister au concert. Un bus de hippie. Ouais. J'ai l'impression que dans le téléfilm, dans l'adaptation, Clark est beaucoup plus embrigadé à la fin qu'il ne l'est dans la nouvelle. Il a l'air plutôt content d'être là à la fin. Alors oui, que dans la nouvelle, on sent encore ses réserves. Il a l'air ultra heureux d'être là, quoi. Tu te dis, mais en fait, il est totalement con. Bon, et puis par contre, on sent qu'ils n'ont pas pu vraiment acheter les droits pour faire un vrai concert, alors que quitte à l'adapter, bah, on aurait pu avoir un vrai début de chanson plutôt que de couper pile au début du concert. Oui. Alors, il n'y avait pas l'argent pour ça non plus. Ah non, clairement pas, non. Vraiment, pour cet épisode-là, je pense vraiment que tout l'argent est passé dans le décor. Hein. Ouais. Mais en fait, il aurait peut-être pas lu essayer de lui donner dans la réalisation une vibe un peu plus tous les films de rocker justement qu'il y a pu y avoir dans les années 60 à 80, on va viser large, mais il y a pas mal de groupes ou d'artistes qui ont fait leurs petits films à cette époque et c'était toute une esthétique assez audacieuse, assez colorée, assez kitsch en réalité quand on le regarde aujourd'hui, mais il aurait peut-être fallu essayer de creuser là-dedans pour souligner vraiment un univers rock'n'roll visuellement, tandis que là, la réalisation est très plan-plan. Ah oui, oui, ça n'a rien de rock'n'roll, clairement pas. Ouais. Alors que oui, effectivement, une vraie réalisation rock'n'roll, voire des moments un peu rock psyché, ça aurait pu être très intéressant. Ouais. Mais c'est pas du tout le cas. Surtout que pour le coup, vraiment, il y a des connexions entre rock et cinéma qui existent. Les Beatles, ils ont fait leur film. Pink Floyd, il y a eu le film sur The Wall, enfin il y en a plein, les Who ont fait un truc aussi, donc c'est pas comme s'ils auraient manqué de sources visuelles, et bon, ces films sont différents les uns des autres, mais il y a quand même des caractéristiques communes qu'on peut trouver. Ah oui, clairement. Donc voilà, c'est en demi-teinte, il y a un petit truc que j'ai pas bien compris dedans. Au tout début de l'épisode, ils évitent un accident de voiture. J'ai pas compris pourquoi c'était amené là, parce qu'en plus c'est un peu coûteux de faire ça, c'est un peu des cascades, donc je sais pas ce qu'ils voulaient faire. Alors, est-ce qu'ils voulaient pas faire, parce qu'à un moment la question est laissée en suspens dans la nouvelle, on nous dit que genre ils sont, qu'en fait bah, ils constatent que toutes les gens autour d'eux sont censés être morts, et donc il y a cette question dans la nouvelle en suspens, est-ce que finalement on serait pas morts nous aussi? Et vraiment je m'attendais à ce que du coup l'accident de camion revienne à la toute fin pour nous faire comprendre que bah, en fait ils sont morts. Et tu vois, ils sont juste dans un simili purgatoire totalement horrible. Mais c'était à ça que je m'attendais, en fait, devant cette scène-là, mais pas du tout. Bah oui, c'est ça, je pensais aussi que c'était pour souligner ça, mais ça resserre pas par la suite, donc je ne comprends pas. Ou alors, je viens de tilter, ou alors est-ce que c'est pas, là encore, pour nous dire, bah le rock'n'roll ne s'arrête jamais, parce que là, en fait, au moment où il frôle l'accident, c'est justement alors qu'il est en train de chercher des CD de musique pour remettre encore de la zik. Donc est-ce que aurait pas un parallèle un peu naze pour faire ça? Peut-être, mais ouais, ça marche pas tellement. Par contre, j'ai vérifié, la ville Intercourse en Pennsylvanie existe bien. Ah oui, voilà. J'avais vérifié aussi, et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'il y a une ville qui a ce nom là ouais, voilà, la bonne grosse baise. Donc, copulation Charente-Maritime. Il est con. Après, c'est vrai qu'au States, il y a des villes qui ont des noms. Bah, disons qu'on comprend pourquoi ils piquent les noms de villes d'autres pays si leurs seules idées, c'est Intercourse quand ils doivent chercher un nom original. Non, mais voilà, sur l'adaptation, je vais pas avoir grand-chose à rajouter, moi. Bah, moi non plus. Et donc, on va pouvoir passer à un extrait. Et les cailloux chantaient. Et les cailloux chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Très bien, nous allons lire un extrait situé lorsque Marie et Clark sont arrivés au diner. Ils se sont installés, Marie se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis un bon moment. Elle a l'impression de connaître la serveuse qui est là sans arriver à mettre un nom dessus. Et Clark va faire une remarque qui va tout réarranger dans sa tête. Nous sommes dans l'édition Le Livre de Poche à la page 453, la traduction est de William Olivier Desmond. Le présentoir à tarte au cadre chromé se trouvait derrière le comptoir, à l'autre bout. Dès que la jeune femme fut partie dans cette direction, Marie se pencha vers Clark et siffla. « Tu le fais exprès pour m'embêter ou quoi? Tu sais très bien que je veux ficher le camp d'ici. » « Cette serveuse, la rouquine, tu trouves pas ?»« Et arrête de la reluquer, murmura-t-elle d'un ton féroce. « On dirait un gosse qui essaie de voir sous les jupes des filles à la bibliothèque. » Il détacha le regard de la serveuse, non sans devoir faire un certain effort. « Tu ne trouves pas, reprit-il, qu'on dirait Janis Joplin tout craché? Ou alors je suis fou ?» Prise au dépourvu, Marie jeta un coup d'œil à la rouquine. Elle s'était légèrement tournée pour parler avec le cuisinier à travers le passe-plat, mais on apercevait encore les deux tiers de son visage et cela suffisait. C'est tout juste si elle n'entendit pas un clic dans sa tête lorsqu'elle superposa le visage de la femme à celui qui figurait sur la pochette du disque qu'elle possédait encore. Un disque de vinyle pressé à une époque où personne ne connaissait le baladeur Sony et où le concept même de compact disc serait passé pour de la science-fiction. Avec tous ceux qu'elle avait rangés dans un carton de supermarché voisin et qui prenaient la poussière dans un coin du grenier. Des albums dont les titres étaient Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrills et Pearl. Avec dessus le visage de Janis Joplin, ce visage doux et simple, vieilli avant l'heure et devenu dur et blessé bien trop tôt. Clark avait raison. La rouquine était le portrait tout craché de la Janis Joplin qui figurait sur tous ces vieux disques. Sauf qu'il n'y avait pas que le visage, et Marie sentit la peur l'envahir, un fourmillement dans sa poitrine, son cœur qui se mettait à battre plus fort sur un rythme léger, irrégulier et dangereux. La voix. Dans sa tête, elle entendit le ululement à glacer le sang par lequel débute « Piece of my heart ». Elle superposa ce cri nostalgique qui avinait à la voix de Rogum de la rouquine, comme elle l'avait fait pour les visages, et se rendit compte que si la serveuse commençait à chanter cette chanson, sa voix serait identique à celle de la Texane défunte. Tout ça parce qu'elle est la Texane défunte elle-même. Félicitations, Marie. Tu as dû attendre d'avoir 32 ans, mais tu l'as enfin réussi, ton examen. Tu viens de voir ton premier fantôme. Elle essaya de se raisonner, de se convaincre qu'il s'agissait d'une combinaison de facteurs dont le moindre n'était pas le stress engendré par le fait de s'être perdu, qu'elle donnait trop d'importance à une ressemblance qui était pure coïncidence, mais cette tentative de rationalisation n'avait pas une chance contre la certitude qu'il habitait. C'était un fantôme qu'elle voyait. Les manifestations vitales de son organisme subirent alors une transformation majeure, aussi étrange que soudaine. Son cœur se mit à battre la chamade. On aurait dit un coureur remonté à bloc bondissant des starting blocks au départ d'une course olympique. L'adrénaline coulait à flot dans ses veines, lui contractant l'estomac tout en lui chauffant le diaphragme comme une gorgée de cognac. Elle sentait la sueur ruisseler sous ses bras et jaillir à ses tempes. Le plus stupéfiant était cependant la façon dont les couleurs semblaient submerger l'univers qui l'entourait, rendant tout, des néons qui encerclaient l'horloge au passe-plat en acier en passant par l'arc-en-ciel mouvant sur la façade du jukebox, à la fois irréel et trop réel. Le bruit des pales des ventilateurs lui parvenait distinctement. Son bas est rythmé d'une main caressant de la soie, tout comme l'arôme d'ancienne viande grillée qui s'élevait des fourneaux invisibles de la cuisine. En même temps, elle se sentit sur le point de perdre l'équilibre, perchée sur son tabouret, et de tomber au sol évanouie. « Reprends-toi, ma fille, » s'adjura-t-elle frénétiquement. « Tu te payes une crise de panique, c'est tout. Il n'y a pas de fantôme, pas de lutin, pas de diable, rien qu'une bonne vieille attaque de peur-panique comme tu en as déjà eu au début des examens importants à la fac, le premier jour où tu es entré comme prof dans une classe et la fois où tu as dû parler en public. Tu sais ce qui se passe et tu sais comment réagir. Personne ne va s'évanouir, toi moins qu'une autre, alors reprends-toi, tu m'entends ?» Elle croisa les orteils à l'intérieur de ses tennis et les serra aussi fort qu'elle le put, se concentrant sur la sensation, se servant de son effort pour se ramener à la réalité et s'éloigner de ce lieu paré de trop d'éclat qui, elle le savait, débouchait sur l'évanouissement. Ma chérie, tu te sens bien ? La voix de Clark lui parvenait de très loin. « Oui, ça va », répondit-elle d'une voix qui, elle aussi, arrivait d'une grande distance, bien que déjà beaucoup plus proche que si elle avait essayé de parler 15 secondes avant. Sans cesser de s'écraser les orteils, elle saisit la serviette en papier qu'avait disposée la serveuse pour en éprouver la texture. C'était un autre moyen de reprendre contact avec le monde, un autre moyen de rompre la sensation de panique irrationnelle, car elle était irrationnelle, non ? Qui l'avait si fortement envahie. Dans le geste qu'elle fit pour s'essuyer le front avec, elle s'aperçut qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus, au crayon, d'un trait pâle qui avait déchiré le fragile papier. Elle lut le message rédigé en caractère d'imprimerie. « Fichez le camp tant qu'il est encore temps. » « Marie, qu'est-ce qu'il y a ?» La serveuse aux boutons de fièvre et aux yeux effrayés en perpétuel mouvement revenait avec les triangles de tarte. Marie laissa tomber la serviette sur ses genoux. « Rien, » répondit-elle d'un ton calme. Pendant que la fille disposait les assiettes devant eux, elle essaya de capter son regard. « Merci bien. » « À votre service, » répondit la serveuse, qui plongea un instant son regard directement dans celui de Marie avant que ses yeux ne reprennent leur vagabondage sans but dans la pièce. « Je constate que tu as changé d'avis pour la tarte, » dit Clark de son ton le plus horripilant, celui de l'indulgence qui a tout prévu. « Les femmes, » disait ce ton. « Bon sang, c'est quelque chose tout de même, non ? Il ne suffit pas de les conduire jusqu'au prochain abreuvoir, encore faut-il parfois leur enfoncer la tête dedans pour les décider. C'est notre boulot. Ah, pas facile d'être un homme, mais je fais de mon mieux. » « Que veux-tu ? Elle a l'air absolument délicieuse, » répondit-elle, émerveillée du calme de sa voix. Elle lui adressa un sourire rayonnant, bien consciente que la rouquine qui était le portrait craché de Janis Joplin les observait du coin de l'œil. « Je suis stupéfait de sa ressemblance avec, » commença Clark, mais cette fois Marie lui donna un coup de pied dans les chevilles en y mettant toutes ses forces, pas question de faire les idiots. Il inspira brusquement, avec bruit, l'œil exorbité, mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, elle lui mit la serviette portant le message dans la main. Voilà, et maintenant, la même scène dans l'adaptation. La rouquine, là-bas. Oh, la honte. Arrête un peu de la dévorer des yeux. On dirait un garnement qui essaie de baisser la jupe des filles en salle de permanence. Tu dis n'importe quoi. Attends, si cette fille n'est pas le parfait sosie de Janis Joplin, je veux bien qu'on me paye des lunettes. De te rendre malade pour si peu. Quand t'as perdu les diamants de ma mère l'année dernière, là, oui, il y avait matière à avoir des sueurs froides. Janis Joplin est morte à Los Angeles, d'une overdose. Ça rime à quoi, son numéro ? Toi, tu trouves que c'est sain, franchement ? Ben, c'est sans doute une fan de Joplin. Ils ont recréé la déco des années 50 et ils jouent à imiter les stars de l'époque. Hé, ce serait possible, hein, les Maltais, à la place du soda ? Ici, les désirs des clients sont des ordres. Grand chef ! Alors je vais en prendre un à la vanille dans ce cas. C'est comme si c'était fait. Personne ne fait plus ça, des maltais. C'est plus que des lattés, des cafés frappés, ou je sais quelle autre boisson branchée. La moindre consommation et hop, c'est 5. Fuyez pendant qu'il est encore temps. C'est dans le sens du marketing de nos jours. Merci. Surtout ne dites rien. Clark, ta tarte est servie. Ah, génial. Je vais pas me faire prier pour la déguster. Ah, ah. Ouh. Ça a l'air délicieux. Oh. Oh, alors là, je m'incline. Donc voilà, vous avez eu les deux scènes. Bon, forcément, vous n'avez pas pu voir les sosies de Janis Joplin. Si vous étiez plus physionomiste que nous, vous auriez peut-être pu dire si elle ressemblait réellement à Joplin, parce que moi, j'en ai pas la moindre idée. Mais l'épisode se trouve facilement, hein. Je crois que c'est sur YouTube, l'intégralité de Rêve et Cauchemar, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, qu'en as-tu pensé ? Voilà. Eh ben, nous passons au classement. Bah écoute, comme tout l'épisode, en fait, hein, c'est une scène bien trop longue qui débouche sur pas grand-chose, finalement. Si ce n'est la fuite. Oui. On peut noter que la conclusion, c'est-à-dire de l'extrait que t'as lu à la fin, l'après, Clark lit le mot qu'elle lui donne, alors que dans l'adaptation, pas du tout. Dans l'adaptation, il s'essuie la bouche avec, sans même voir qu'il y a quelque chose d'écrit dessus, et c'est un peu après qu'il réagit. Et du coup, c'est totalement con, parce qu'en fait, la réaction amène vers ce qu'il aurait dû faire en voyant le mot. Donc tu dis, pourquoi avoir fait en sorte qu'il ne le voyait pas, je comprends pas. C'est très étrange. Après, à la limite, on te tend quelque chose, on te tend une serviette, t'es pas obligé de faire attention à s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Je pense que moi, je pourrais faire la même erreur, pour le coup. Je fais pas forcément attention aux trucs que j'attrape, je pose pas pile dessus, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que scénaristiquement, c'est fait pour lui faire comprendre quelque chose, et le fait qu'il prépare la voiture. Et en fait, c'est ce qu'il fait de lui-même tout de suite après. Il comprend que c'est des morts. Il manque peut-être un rapport. Il comprend quand il voit arriver d'autres personnes, où il fait le lien, en effet. Voilà. Mais oui, c'est un peu long pour ce à quoi ça conduit. Je sais pas comment il aurait fallu mener ça. Peut-être qu'on aurait trouvé ça moins long si c'était venu tout de suite, s'il n'y avait pas eu toute la première partie sur l'égarement. C'est peut-être le fait qu'on y est déjà depuis 30 pages et que donc là, on a vraiment envie que ça avance parce que c'est une nouvelle et qu'on sait qu'il reste que 20 pages, donc il est temps qu'il se passe quelque chose. Ça joue probablement. Oui, ça doit forcément jouer. Ressenti. Même si dans l'écriture aussi, la nouvelle est peut-être un peu trop classique, un peu trop similaire à d'autres nouvelles du même genre qu'a pu écrire King, pour vraiment prendre surtout le message sur le rock'n'roll. Ouais, d'accord. Même si là non plus, je sais pas ce qu'il aurait fallu faire pour que ça fonctionne, mais peut-être quelque chose de plus déstructuré. Je sais pas. C'est l'ambiance entière qui aurait dû être travaillée. Ouais. Pour coller vraiment au thème, à l'habillage global du sujet, quoi. En adaptation, ça aurait pu être une comédie musicale aussi. Ah oui, clairement, ça aurait, Être rigolo, tu sais, une sorte de « on connaît la chanson » horrifique du rock. Ça aurait pu être drôle, oui. Une adaptation par Manox en Top Zizik. Oh là là, avec Manox qui imite tout le monde. Voilà. Alors, spéciale dédicace à EKXV qui fait de formidables imitations de Serge Lama et de Shakira. Le souci, c'est que y en a qu'un des deux qui est mort et il faisait pas de rock. Donc... Voilà, mais la bise EKXV quand même. Voilà, c'est ça. Ah merde, non, il est pas mort, Serge Lama. Oh bah non. Désolé. J'étais persuadé. EKXV non plus, hein. Non, EKXV non plus, mais lui, je le savais, tandis que Serge Lama, j'avais le doute. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer au classement. Yes. Bien, l'heure du classement, comme d'habitude, on vous le rappelle à chaque épisode, je m'occupe du classement des écrits, c'est-à-dire des romans et des nouvelles, alors que mon camarade Issam s'occupe des adaptations films, épisodes de séries télé, téléfilms et ainsi de suite. Notre classement compte pour les écrits actuellement 60 titres, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lycée, tandis que les 5 derniers sont L'année du loup-garou, Dr. Sleep, Le cinquième quart, Grand chauffeur et les Tommy Knockers. Bien, où mettre un groupe d'enfer. Eh ben, on va pas remonter des masses. Hein. Non, effectivement, pas des masses. Ça va pas aller dans les derniers quand même. Non, mais tu vois, typiquement, autant je trouve que c'est une nouvelle très classique, et je parle de bon ménage, autant je trouve que le thème, au moins, est bien mieux abordé. Oui, oh, t'as remonté un peu, quand même. Oui, même, une petite quinzaine de places. Oui. Moi, même un chat d'enfer, hein, pour le coup, je trouve qu'elle est mieux. Oui, c'est vrai. Même Brume, je peux te l'accorder, même si j'ai des réserves. Ah bah moi, Brume, je préfère l'adaptation que la nouvelle, on en avait parlé. Ouais, oui. Je trouve que la personnalisation des personnages, enfin, le caractère des personnages plutôt, est bien trop prononcé dans la nouvelle. Oui, ils sont beaucoup plus clichés. Bon, mais 1922, il se passe peut-être un peu plus de trucs. 1922, c'est chiant pour le coup, ça c'est sûr. Oh, pour moi, ouais, allez, en dessous d'un chat d'enfer. En dessous d'un chat d'enfer? Ok. Au moins, c'est plus court que Brume. Parce que Brume, il y a quand même des passages un peu longuets. Donc voilà, vous pouvez vous faire d'affilée le chat et le groupe d'enfer. Voilà. Voilà, c'est parfait. Ce qui fait, pour redonner la place, la 49e place actuellement. Voilà. Et pour les films, nous avons actuellement 92 œuvres classées avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, Children of the Corn, Genesis, en parlant de groupe de rock, de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Khalil, Monroe Man et Jorge Valdés-Higa, et Room 237 de Rodney Asher. Mm-hmm. Alors, je te coupe l'herbe sous le pied, c'est mieux que Crouch End. Oui, voilà, déjà, c'est ça. Ça, c'est certain. Crouch End était vraiment catastrophique. Encore une fois le pire. Ouais. Par contre, je trouve ça moins bien. Oh. Ouais, si, moins bien que Quatuor à 5, qui était pas très intéressant comme adaptation, mais la nouvelle n'était pas non plus, mais qui, dans son côté très classique, je trouve, marchait un poil mieux que l'adaptation d'un groupe d'enfer. Mais encore une fois, le fait que j'ai pas reconnu les gens a beaucoup joué, je pense, dans mon ressenti. Ouais, ouais, clairement. Alors, attends, Quatuor à 5, il est où déjà? Il est à la 68e place. Quatuor à 5 est mieux, on est d'accord. Peut-être les démons du maïs 5 tentaient plus de trucs, hein, en réalité. Ouais, je pense aussi. Hein. Mais qu'est-ce que c'est déjà les disciples du corbeau? C'est le court-métrage... Ah oui, dans Conte Macabre. Des enfants du maïs, ouais, c'est ça. Dans Conte Macabre, mais on avait classé que celui-là. Oui, oui. Pour moi, oui, bah, entre les démons du maïs 5 et les disciples du corbeau. Hein. Ouais, ça me va. Oui. Les disciples du corbeau, c'était vraiment pas bon, quoi. Bah, c'était amateur, quoi, et ça se sentait. Ouais. C'était le souci. Voilà, donc, un groupe d'enfer prend la 71e place entre les démons du maïs 5, la secte des damnés d'Ethan Wiley et les disciples du corbeau 2. John Woodward, il ne nous restera plus que 2 épisodes à faire dans Rêve et Cauchemar, et je vais chercher tout de suite le chapeau pour le tirage au sort. Ah yes! Comme on se disait en off, il y a peut-être des trucs qu'il faudrait que je rajoute, faut que je fasse un tour de ce qu'il reste dans la boîte, qui commence à se vider quand même, hein. Mais faut que je fasse un tour de ce qu'il reste dans la boîte pour voir s'il n'y en a pas qu'on a trouvé depuis. Ouais, et puis il y a des trucs que t'avais pas mis, de son de base. Encore, bah, Dôme n'y est pas. Dôme, voilà. Et Castle Rock n'y sont pas, ouais. Le fléau, tu l'as mis finalement, la dernière adaptation? Ouais, bah, normalement, je l'ai rajouté, ça. Je suis quasiment sûr que c'est rajouté. Et puis qu'il n'y a pas non plus la saison 3 de Monsieur Mercedes, mais ça, on la fera que quand on aura tiré la 2. Voilà. Donc, il y a encore quelques rares trucs dispo, mais qui ne sont pas dedans. Ouais, et il y en a qui vont sortir aussi, mais voilà. Je ferai le point sur tout ça. Ok. Du coup, je mélange et c'est à toi de choisir en premier. Vas-y. Stop. Alors. Je t'aurais bien fait durer plus longtemps pour faire durer l'épisode, mais bon. Alors, nous traiterons au prochain épisode des démons du maïs 6, appelés aussi les démons du maïs 666, réalisés par Carrie Skoglund. Ah oui, voilà. Oui, on est heureux. Ouais. Et moi, je mélange. Une main chanceuse. J'ai un papier. Est-ce que ce sera chanceux? Je ne sais pas. Ce sera Cimetière aux origines du mal Ah. Donc, sorti récemment, puisque sorti l'année dernière, de Lindsay Beer, donc le préquel au cimetière le plus récent que nous avions traité il y a pas mal d'épisodes maintenant. Sorti en VOD, il me semble, celui-là. Ah, c'était pas sorti en salle, celui-là ? Il me semble que celui-là est sorti uniquement en VOD chez nous. Ah, c'est possible, effectivement. Très bien, donc ça ne nous fait aucune lecture pour la prochaine fois, puisqu'il s'agit d'une suite et d'un préquel. Bah, voilà, on verra bien ce que vaut tout ça. Hein. Écoutez. À mon avis, bon, pas grand-chose, mais on verra bien. On peut toujours espérer. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai ça. On peut toujours se jeter du quatrième étage et survivre aussi, hein, avec un peu de chance. Mais c'est est-ce que faux. C'est pour ça c'est que je vais faux. Le faire Très bien, donc en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @ cinémarchéviste pour toi sur Twitter et Blue Sky, et @ Chris The Lost Tales sur Blue Sky pour moi. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, The Lost Tales pour Chris et Archiviste du cinéma pour moi. J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets des vidéos principalement sur le cinéma asiatique. Nous avons commencé un podcast sur le cinéma généralisé. Yes. Je te laisse le présenter vu que c'est ton idée principalement. Un podcast qui n'a pas de nom, hein, à l'heure où nous prononçons ces mots. Ça viendra un jour. On est vraiment des professionnels. Finalement, ouais. le titre de l'émission sera sans titre. Voilà, ouais. C'est parfait. Ou titre à venir, un truc comme titre, ça. Un titre à venir, voilà. Ou alors, donnez-nous des idées, voilà. Donnez titre. C'est très bien ça, donnez titre. Voilà, où tous les mois, nous parlons des news, nous regardons des bandes-annonces pour savoir si les prochains films qui sortent nous donnent envie. Nous faisons des dossiers. Le premier dossier était sur les zombies dans le cinéma japonais. Ouais. Le second, vous l'avez eu, mais nous ne savons toujours pas sur quoi c'est. Et c'est ça la magie du passé, du futur antérieur. C'est ça, vous êtes plus informés que nous au moment où vous écoutez ça, vous vous rendez compte. C'est quand même incroyable, quoi. Ouais. Et puis voilà. Donc c'est sur Twitch, c'est sur The Lost Tales. Et c'est une fois par mois. Les rediffusions podcast et YouTube sont après mis sur la chaîne d'Issam, Cinémarchiviste. Voilà, vous trouvez de toute façon tous les liens dans la description. N'hésitez pas à venir faire coucou, y compris pendant les enregistrements en live. Voilà. Donc, nous nous retrouvons dans 2 semaines pour les Démons du Maïs 6. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de Démons du Maïs, franchement, ça va faire du bien. Ah oui, c'est... oui. Je sais pas si je suis content ou malheureux, finalement. Ouais, non, mais on les expédie, c'est bon. Après, il n'en restera vraiment plus beaucoup. Ouais. Et en attendant, n'oubliez pas... que le vidéo club de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.